الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام فرض على عباده حج بيت الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وحج وصام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الخيار الأعلام أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ثم اعلموا أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو من أجل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ويقول جل جلاله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ألا وإن قد حال بيننا وبين الحج هذا العام مصائب وابتلاءات فلنعزم على الحج في العام أو العام المقبل وعلى العمرة متى قدرنا على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن أراد الحج عليه أن يطلع على مقاصده العظام ودروسه الكرام حتى يؤديه محققا تلك المقاصد متمما تلك الأهداف وأعظم هذه المقاصد وأجلها تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى فإن التوحيد هو الأساس الذي خلقنا الله لأجله وأوجدنا لتحقيقه تبارك وتعالى ومن خلال مناسك الحج العظيمة وشعائره الجليلة ومشاعره المباركة تظهر جليا مكانة التوحيد العظمى ومنزلته العليا فهو أساس بني عليه جميع العبادات عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه الكلمات النيرة وهذه التلبية المباركة كلمات توحيد وإخلاص لله رب العالمين وبراءة من الشرك بخلاف ما كان عليه المشركون فكانوا يهلون بالشرك والتنديد والإشراك برب العالمين عند مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أي كفاكم ذلك فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت فالتلبية أيها الإسلام أيها الإخوة فالتلبية أيها المؤمنون إجابة واستجابة لله ودليل على الاستسلام لله والانقياد له خوفا وطمعا ولاحظوا أيها الموحدون أن كلمة لا شريك له تكررت في التلبية مرتين مرة عقب إجابته بقول لبيك ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالإيفاء في المرة الأولى بعد الإجابة، بعد الإجابة على هذه الدعوة المباركة من جميع الطاعات والقربات، فهو إخلاص وتوحيد. والثانية لا شريك له في الحمد والإنعام والملك، كل ذلك لله رب العالمين. فاجتمع في هذه التلبية المباركة الإقرار بوحدانية الله في العبادة ووحدانيته في الربوبية والأسماء والصفات، كل ذلك دليل وبرهان لإبطال الشرك بالله العظيم. قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وفي الحج أيها الموحدون نشر للتوحيد ودعوة إلى التوحيد وترداد لكلمة التوحيد وترسيخ لها في قلوب المؤمنين. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بهذه التلبية المجتملة على التوحيد والبراءة من الشرك في المقام، في الميقات من مكة إلى من المدينة إلى أو من ذي الحليفة إلى مكة ليلبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بين المشاعر إلى يوم النحر، إلى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة. ثم إن الطواف بالبيت العتيق والتكبير عند الحجر الأسود والدعاء عند الركن اليماني معظما رب العرش العظيم، خاضعا له، محبا له، راهبا، ذليلا خاضعا، مستغفرا، معلقا قلبه بالله رب العالمين وحده لا شريك له، الواحد القهار العزيز الغفار، متوجها إليه وحده دون من سواه. هذا هو التوحيد أيها المبارك. وهكذا السعي بين الصفا والمروة طلبا لرضا الرحمن تبارك وتعالى، الرب الشكور والإله الحق الرؤوف. وعند مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه واصفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا قال: فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، وإذا أتى المروة فعل مثل ذلك. هكذا يتربى الحاج على تكرار التوحيد وعظمة الله والافتقار أمامه بكثرة الدعاء، كي يقوى إيمانه وتوحيده ويرسخ في قلبه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. وهكذا الوقوف بعرفات أيها المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. فهو يوم عتق من النيران، فهو يوم وقوف بين يدي الله عز وجل، وهو يوم دعاء ويوم عبادة، والدعاء هو العبادة، هذا لب التوحيد. وهكذا الوقوف بالمزدلفة والقيام بأعمال الحج الأخرى كلها طاعات وقربات وعبادات قائمة على التوحيد. من أجل ذلك شرع الله سبحانه وتعالى إقامة الحج إلى بيت الحرام، وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غير تركت وشركه، رواه مسلم. وهكذا عند رمي الجمار يرميها امتثالا لأمر الله، متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكبرا يقول الله أكبر عند رمي الجمار، يعلن عامة الله وأنه أكبر من كل شيء. وهكذا يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل رافعا يديه، مفتقرا بين يديه، سائلا المولى تبارك وتعالى. وهكذا إذا نحر أو ذبح الهدي قال الله: فصل لربك وانحر. كل ذلك لإقامة التوحيد وإظهار له. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا سائر أعمال الحج مبناها على التوحيد، ومقصدها تحقيق التوحيد. ولا ينصرف الحاج حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، مذكرا التوحيد، معلنا التوحيد، يتذكر التوحيد قبل فراق بيت الله رب العالمين. ذلك ليستحضره في الحج ويخرج منه معه، فيثبت بعد الحج على التوحيد، فيحيي على التوحيد، ويموت على التوحيد، ويبعث إن شاء الله تعالى على التوحيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الآية. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى nous dit dans son noble livre, afin de nous rappeler le cinquième pilier de l'islam, selon la traduction des sens de ce verset, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des montres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Suratul Hajj, selon la traduction des sens de ce verset, et fait aux gens une annonce pour le pèlerinage. Ils viendront à toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Voici l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam, ordonné par Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi toute personne qui répond à l'appel d'Allah dit labayk Allahumma labayk. Et ce pilier de l'islam a été légiféré afin que la parole d'Allah soit élevée, afin que le monothéisme pur soit ancré, enraciné, propagé et élevé, afin qu'il soit propagé. C'est ainsi pour l'ensemble des adorations et tout particulièrement pour le pèlerinage. Et ainsi, celui qui accomplit le pèlerinage se doit de connaître ce principe fondamental. Le pèlerinage a été légiféré pour qu'Allah Azza wa Jal soit unifié d'un culte sincère. Et il y a de nombreuses sagesses et de nombreux buts à concrétiser. Et le but le plus important, dans le pèlerinage est de concrétiser le monothéisme et l'adoration d'Allah d'un culte sincère. Voici la raison primaire, première et la plus importante. Sans aucun doute, Allah nous a créés pour ce principe fondamental, l'adorer seul d'un culte sincère. En effet, elle nous dit dans son livre: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et l'ensemble des adorations repose sur cet édifice, repose sur ce fondement, repose sur cette fondation qui est la ilaha illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et si tu mérites, si tu médites les différentes étapes du pèlerinage, du début à la fin, au moment où tu te mets en état d'ihram, tu commences la talbiya. Et Jabir radiallahu anhu nous décrit le pèlerinage du prophète alayhi salatu wassalam en nous disant: il est entré en état de sacralisation en disant labbaik Allahumma labbaik. Je réponds à ton appel, wallah, je réponds à ton appel. Tu n'as pas d'associé, je réponds à ton appel. Toutes les louanges, les bienfaits, la royauté t'appartiennent, tu n'as pas d'associé. Ces paroles sont des paroles de monothéisme. Ces paroles sont des paroles de tawhid. On proclame ici l'unité d'Allah Azza wa Jal et on désavoue toute forme de polythéisme. Contrairement à ce que faisaient les associateurs de la péninsule arabique, ils accomplissaient certes le pèlerinage et avaient diverses adorations, mais ils adoraient Allah et avec lui autrui. Ainsi ils étaient polythéistes, ainsi ils étaient associateurs. Ils disaient, nous répondons à ton appel, wallah, nous répondons à ton appel, tu n'as pas d'associé. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur disait, malheur à vous, arrêtez-vous là. Mais eux ajoutaient, si ce n'est un associé que tu possèdes lui, et ce que lui-même possède, ils étaient polythéistes. L'islam est venu pour enlever le polythéisme et pour proclamer le droit suprême d'Allah, la ilaha illallah. Ainsi, le pèlerin s'habitue à répondre à l'appel d'Allah, à se soumettre à lui, à l'aimer d'un amour pur et sincère. Il s'éduque à le craindre et à espérer en lui. Il s'éduque à le craindre et à espérer en lui. Deuxièmement, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est apprêté à quitter l'endroit du miqat, il s'est mis en état d'ihra. Il a dit, oh Allah, voici un pèlerinage délié de toute ostentation, délié de toute ostentation. Il a proclamé ici la sincérité dans son pèlerinage. Voici le but du pèlerinage, concrétiser at-tawhid, le monothéisme pur. Troisièmement, en chemin de Médine à la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam répétait la talbiya afin d'enraciner le tawhid dans le cœur, afin de proclamer le tawhid, de le propager, de le faire connaître et de le faire entendre. Et cela jusqu'au 10e jour du mois de Dhul-Hijjah, jusqu'au jour du sacrifice du grand pèlerinage. Puis le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à la Kaaba. Il s'est lavé, puis a accompli le tawaf en disant Allahu Akbar. À chaque fois qu'il passait à la pierre noire, il prononçait la grandeur d'Allah Azza wa Jal. À chaque fois qu'il arrivait au coin yéménite, il invoquait Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Le tout humble devant le Seigneur des mondes, humilié devant sa grandeur et sa puissance, il invoquait Allah Azza wa Jal. C'est ainsi que le pèlerin, durant le tawaf, concrétise at-tawhid et montre son besoin devant son Seigneur riche et généreux. Pareillement, entre Safa et Marwa, le prophète alayhi salatu wassalam, sur chacun de ces monts, proclamait le tawhid. Il proclamait la grandeur d'Allah à trois reprises. Puis il disait, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associé. À lui appartient la royauté et la louange. Il est parfaitement omnipotent. Il est parfaitement omnipotent. Puis il proclamait à nouveau l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres éloges. Pareillement, ici, le pèlerin répète la parole du tawhid, enracine le tawhid afin de l'ancrer dans son cœur, afin de le développer, afin de le multiplier. C'est ainsi que Abdullah ibn Omar nous dit, entre Mina et Arafah, pareillement, certains parmi nous prononçaient la talbiya, et d'autres parmi nous disaient, Allahu Akbar. Puis le prophète alayhi salatu wassalam est parti à Arafat. Il est parti à Arafat, il a invoqué Allah Azza wa Jal toute la journée. Il a même uni entre le Dhahr et le Asr pour se décharger entièrement dans Ed Dua, en levant les mains, en invoquant son Seigneur sans jamais se lasser. C'est ainsi que Dua et l'adoration à le prophète alayhi salatu wassalam nous a éduqués sur cela le jour de Arafat. Puis il est parti dormir à Muzdalifa. Puis il est parti dormir à Muzdalifa et il a invoqué Allah Azza wa Jal. C'est ainsi que nous apparaît de la manière la plus claire que le pèlerinage du début à la fin a été légiféré pour adorer Allah seul d'un culte sincère. Et toute adoration qui ne repose pas sur le tawhid est rejetée par Allah, est rejetée et non acceptée chez Allah. En effet, il nous dit dans le hadith à thème divin, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque fait une adoration en m'y assignant un associé, je le délaisse lui et son associé, ou bien lui et son association. Pareillement, mes chers frères, le 10e jour du Hajj, Le prophète Ali salatu wassalam s'est dirigé vers la grande stèle. Il a jeté 7 pierres. Et à chacune des pierres jetées, il disait Allahu Akbar. Puis il a interrompu la talbiyah. C'est ainsi qu'il proclamait la grandeur d'Allah et son unicité. Ce même jour, il a sacrifié les bêtes pour Allah Azza wa Jal en se rapprochant de lui. Il en a pris 100, en a sacrifié 63 de sa main et a confié le reste à Ali ibn Abi Talib. Et le sacrifice est une des plus grandes adorations. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Dis, en réalité, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé dans cela. Voici ce qui m'a été commandé et je suis le premier à me soumettre. Du début à la fin, ô toi le pèlerin, sache que tu dois concrétiser el tawhid. Et pour finir, lorsque tu veux quitter la Mecque, il t'a été légiféré d'accomplir le tawaf d'adieu, afin de te rappeler à nouveau la grandeur d'Allah, afin de te rappeler à nouveau la ilaha illallah, que tout ce que tu accomplis dans le pèlerinage c'est pour Allah, et c'est Allah qui te rétribuera, et tu quittes la maison sacrée, incha'Allahu ta'ala, lavé de tout péché. Lavé de tout péché, rappelez-vous le tawhid dans le pèlerinage et dans l'ensemble des actes qu'Allah aime et agrée en matière d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous qu'on vive le pèlerinage sur le tawhid et qu'on quitte la terre de la Mecque sur le tawhid, qu'on vive sur le tawhid et qu'on meure sur le tawhid. Ainsi, incha'Allahu ta'ala, nous serons ressuscités sur le tawhid. Et Allah nous ordonne dans le Coran de l'adorer d'un culte, de l'adorer. Ô vous qui avez cru craindre Allah d'une crainte véritable et vous éveillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Il nous dit également qu'il a ordonné à Ibrahim de construire la Kaaba, sa maison sacrée, et de ne pas commettre de shirk. Voici pour la raison pour laquelle la Kaaba a été construite, pour qu'on adore Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Nous avons un frère bien-aimé à nous qui habite à Al-Madinah, le frère Abu Zayd. Le frère Abu Zayd, un de nos frères sur la sunna qui habite dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam, il est actuellement, lui et son épouse, sont éprouvés par une lourde épreuve. Ils ont eu un enfant prématuré. Ils ont un enfant qui est né prématuré et qui est resté hospitalisé entre la vie et la mort. Et par la suite, Allah Azza wa Jal lui a facilité, elle va mieux. Mais elle a à rester à l'hôpital. Et chaque jour, c'est un jour de plus à l'hôpital et ce sont des frais de plus à dépenser. Ils sont donc dans cette grande épreuve et nous nous dirigeons sincèrement vers Allah Azza wa Jal afin de lui demander la délivrance pour ce couple. Allahumma farrij anhum. Allahumma shfi bintahum. Allahumma shfi bintahum. Allahumma shfi bintahum. Wa shfi mardana arda al-muslimin. Allahumma farrij anhum. Innaka ala kulli shay'in qadir. وأنت الشافي الرؤوف الرحيم وأنت على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et dépenser pour la cause d'Allah Azza wa Jal afin que la mosquée soit dans un futur proche élevé. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Sachez qu'il ne fait pas partie de la sunna de se lever avant que l'imam descende du minbar. Walhamdulillah.